Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la Palestine est-elle devenue, dès l'automne 1945, un sujet d'affrontement entre les Britanniques et les Américains ? S'interroge l'historien Henri Laurence. Qu'est-ce que l'Europe barbare en 1945 ? Comment la fin de la guerre en Europe a-t-elle réintroduit la question juive dans les relations internationales ? Et avec quel lien pour le dossier palestinien ? Qui était Abdallah de Transjordanie, surnommé par les diplomates britanniques le petit roi de Mr. Bevin ? Quelle est l'hostilité des États arabes envers les Hachémites ? Et comment la Transjordanie a-t-elle beaucoup d'ennemis ? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, interroge cette semaine l'affaiblissement de l'hégémonie britannique après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. L'historien rappelle dans le cours d'aujourd'hui que pour les stratèges occidentaux, l'ordre du jour est la ligne d'endiguement de la progression soviétique et les routes du pétrole. Ainsi, le pétrole dépendant de l'anglo-iranienne, Iran, Irak, Golfe, est vital pour la reconstruction économique et financière de la Grande-Bretagne. Or, la logique des traités britanniques avec les pays arabes a été remise en cause par les refus égyptiens et irakiens, comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Les Britanniques se heurtent à des opinions arabes très hostiles à leur présence militaire. Alors que l'Europe dévastée commence à découvrir la réalité de la Shoah, le déchaînement des violences à l'Est en 1945 et les déplacements de populations entraînent la reconstitution de camps et posent la question des réfugiés, notamment des réfugiés juifs. Comme l'explique Henri Laurence, en Palestine, les autorités britanniques vivent dans la hantise d'un nouveau soulèvement arabe et doivent faire face à une révolte juive dans un contexte où la Grande-Bretagne est ruinée, tout en s'attachant à vouloir rester une grande puissance, alors que sa dépendance envers les États-Unis ne fait que s'accroître. Alors comment le coup mortel va être porté par la némésis de la déclaration Balfour, c'est-à-dire la question palestinienne ? Et nous gagnons le Collège de France le 9 janvier 2019 pour le cours d'Henri Laurence intitulé « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 », aujourd'hui le face-à-face anglo-américain. Nous reprenons les hostilités avec la Transjordanie. Or, Abdallah de Transjordanie considérait toujours qu'on lui avait promis le trône de Syrie et ce trône devait lui revenir. Ce qui, évidemment, n'était pas compatible avec le projet irakien de faire un croissant fertile avec la Syrie. Et d'ailleurs, les Irakiens pensaient éventuellement qu'à la mort d'Abdallah, on pourrait fusionner l'Irak, la Syrie et la Transjordanie pour faire un État unique. Dans cette perspective, la Ligue des États arabes avait été constituée en 1945 pour s'opposer au projet soit de Grande Syrie, de Bilad al-Sham en arabe, soit de croissant fertile. Un croissant fertile est évidemment un terme inventé par des archéologues. Le propre, c'est que les archéologues occidentaux inventent des termes et ensuite les locaux l'investissent pour en faire des projets politiques. L'actuelle route de la soie en est exactement la démonstration. C'est aussi une invention d'universitaires européens et qui est devenue un projet politique chinois. La Ligue arabe était en fait un instrument pour l'Égypte et l'Arabie saoudite pour s'opposer au projet des Hachimites. Et l'autre activité de la Ligue arabe, était en dehors du dossier palestinien sur lequel nous aurons à revenir, était de commencer une action de propagande en faveur de l'indépendance des Arabes d'Afrique du Nord. Et puisque dès le début de l'après-guerre, il y a une agitation politique en Tunisie, au Maroc, des mouvements indépendantistes, et ils sont soutenus par la Ligue arabe et au Caire, et très rapidement, les coloniaux français vont faire du Caire le responsable quasiment unique de tous les malheurs des Français en Afrique du Nord. Et depuis son arrivée, donc en Transjordanie en 1921, Abdallah avait toujours considéré que son territoire n'était qu'une part de la Syrie du Sud et que la Palestine était l'autre partie de la Syrie du Sud. Son petit émirat d'environ 400 000 habitants en 1944 était trop limité pour lui. Et donc ça explique sa volonté de rendre Syrie. Mais en bon tacticien, il s'était dit qu'il pouvait trouver un allié dans le mouvement sioniste pour faire la grande Syrie en proposant au mouvement sioniste l'existence d'un foyer national juif à l'intérieur de la grande Syrie sur lequel il régnerait. Il serait quelque part dans le système qu'il propose, le roi d'une Syrie du Sud qui comprendrait un foyer national juif parmi ses États. La monarchie permet par raisonnement plus de souplesse dans certains cas qu'une république. Ça explique donc des communications, des ouvertures, des discussions depuis les années 30 avec le mouvement sioniste. Et puis Abdallah a essayé de jouer au maximum sur les Britanniques, ne comprenant pas du tout que tous les gouvernements britanniques qui s'était succédé jusqu'à 1945, y compris avec Winston Churchill, le considérait plutôt comme un poseur de problèmes qu'autre chose, et qui considérait que ce petit émir de Transjordanie était une source de problèmes permanents. Néanmoins, la coopération à les Britanniques avait permis l'édification d'un État autour d'une petite armée, un petit État et une petite armée. Et ça a été incarné par l'aventure de Globe, John Bacot de Globe, dit Globe Pacha, qui commande l'armée arabe, puisqu'en arabe on dit Al-Jaysh al-Arabi, c'est-à-dire l'armée qui est celle de la continuité de la révolte arabe de 1916. C'est la même armée pour Abdallah. Bon, ben, les Anglais trouvaient que c'était un peu exagéré pour une force de peu plus d'un millier de soldats d'appeler ça l'armée arabe, et donc il l'avait appelé en anglais la Légion arabe. En plus, ça faisait Légion étrangère, imaginaire colonial, et tout ce que vous voulez. Alors, toujours est-il que Globe avait construit sa petite armée, 400 000 hommes en 1945, mais c'était la meilleure armée professionnelle du Moyen-Orient, encadrée d'officiers britanniques, formée de soldats bédouins, bien entraînés, bien formés. Et on avait vu en 41 qu'elle avait été très utile, en particulier dans le dossier irakien. Alors Globe, ancien combattant de la Grande Guerre, qui ensuite avait fait sa carrière au Proche-Orient, d'abord en Irak et puis ensuite en Transjordanie, se considérait tout autant comme un serviteur de la monarchie hachémite que comme un sujet de sa très gracieuse majesté. Alors, on parlait de la Prusse jadis comme étant un État construit sur une armée. Ben, c'est encore mieux pour la Jordanie, puisque pratiquement entre le 2/3 et les 3/4 du budget de l'État transjordanien passait à la Légion arabe, hein, puisque tout finalement l'essentiel du budget venait de la subvention britannique pour cette armée. Alors, en 45-46, Abdallah apparaissait aux gens de la région comme un personnage d'une autre époque, avec un autoritarisme et un style de vie bédouin qui plaît beaucoup aux Occidentaux, mais nettement moins aux jeunes éduqués arabes. Pour la classe politique du Proche-Orient, il est perçu comme un perturbateur qui remet en cause les frontières et les États. Tout le monde se méfie de ses ambitions. Le paradoxe est que Bevin, parti pour opposer les paysans au Pacha, va s'enticher de ce seigneur d'un autre temps. Il accepte ainsi sa demande d'être élevé au titre de roi, dans le cadre d'une indépendance formelle de son royaume. Alors, la négociation commence en janvier 1946 et le traité d'alliance, lui, ne pose pas de problème. Il est signé le 22 mars 1946 à Londres. La Transjordanie est considérée comme un État indépendant avec Abdallah comme souverain. L'important, comme il se doit, réside dans les annexes. La Grande-Bretagne peut faire stationner ses forces sur le territoire de la Transjordanie avec toutes les facilités nécessaires et elle accorde une aide financière pour le maintien de l'armée et lui fournira les cadres militaires. Elle dispose du monopole de la fourniture d'armement. Le 25 mai 1946, le Parlement jordanien ratifie le traité et proclame la création du royaume hachémite de Jordanie. Une fois pour toutes, le royaume hachémite de Jordanie a été créé en mai 1946 et n'a pas été le produit de l'union de la Transjordanie et de la Cisjordanie en 1949-1950. Mais il est vrai que dans les périodes 48-49, la Jordanie va changer 5 ou 6 fois de nom de politique. Mais le terme Jordanie est utilisé dès mai 1946 en Jordanie même. Mais à l'extérieur, on continue d'utiliser Transjordanie. En particulier parce que les grandes puissances n'aiment pas Abdallah. Les Russes, évidemment, parce que c'est un laquais de l'impérialisme. Et les Américains, parce que ils sont soumis aux pressions du mouvement sioniste qui revendique la Transjordanie comme faisant partie du foyer national juif. Et ni l'Union soviétique, ni les États-Unis ne veulent reconnaître officiellement l'indépendance de la Jordanie. Ce qui, évidemment, fait que la Jordanie ne peut pas entrer à l'ONU, puisque les deux superpuissances s'y opposent. Donc, le problème de la Jordanie, enfin, ça dira jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'était qu'elle avait beaucoup d'ennemis, et dans la mesure où elle avait beaucoup d'ennemis, elle était toujours en train de pactiser avec l'un ou l'autre pour pouvoir continuer d'exister. En plus, c'était le pays qui se vantait de recevoir le plus d'aide internationale par tête d'habitant, que la survie même de la Jordanie devenait un point essentiel pour les puissances. C'est encore valable aujourd'hui. Et donc, des pays diversement intéressés par les questions du Proche-Orient continuent de financer l'État jordanien. Cas extraordinaire de rente géopolitique. Alors, jusque-là, la présence britannique en Transjordanie était faible, quelques dizaines de fonctionnaires et de soldats. La population n'avait pas eu le sentiment d'une domination étrangère, bien qu'il y ait eu une influence britannique assez extraordinaire sur le pays, puisque c'est le seul pays de la région où les gens traversent la rue au passage clouté et respectent les feux rouges. Et on dit généralement c'est à cause des Britanniques. Mais ailleurs dans la région, c'est pas le cas. Donc, le nouveau royaume est quand même très faible. L'Arabie saoudite continue de revendiquer le sud de la Jordanie, la région d'Aqaba, qui avait fait partie de l'ancien royaume du Hendjaz. Le mouvement sioniste revendique la Transjordanie au moins jusqu'au tracé de l'ancien chemin de fer du Hendjaz. Les Français n'aiment pas ça. D'abord, un exemple d'indépendance arabe s'est toujours déplacé pour les Français de 1946. Ils n'aiment pas ça en général. Ensuite, c'est un instrument de la politique britannique et immédiatement les Français voient un complot britannique. Formation d'une grande scierie sous égide anglaise, projet prévu originellement lors de la création de la Ligue des États arabes. C'est-à-dire que les Français n'ont rien compris. La Ligue des États arabes a été justement conçue pour empêcher la constitution de la Grande Syrie. Mais en même temps, la France de la 4e République commence à envisager une possibilité de retour politique au Proche-Orient en jouant la carte anti-hachémite. En prenant la défense de l'intégrité de la Syrie, la France peut retrouver des partenaires politiques dans la région. Mais la France reçoit des offres d'autres puissances qui seraient pour une action dans la région. Là, je vais vous citer, la citation est un peu longue, mais le document est assez extraordinaire. Quand je l'avais découvert il y a un certain nombre d'années dans les archives françaises, je l'avais publié. J'ai vu que récemment, l'édition des documents diplomatiques français pour l'année 1946 l'a aussi publié. Parce que montrer que vraiment, quand on est tombé sur ce genre de document, on est assez impressionné. Il s'agit de rencontres entre Moshe Chertok, le futur Moshe Charette, qui est chef du bureau politique de l'agence juive, avec le représentant français au Levant en 1946. Donc je cite le texte. « Faisant l'historique du monde arabe depuis 1941, le directeur du bureau politique de l'agence juive expose qu'il a assisté à l'exécution d'un plan qui visait à réaliser l'union des Arabes sous l'influence exclusive de la Grande-Bretagne. Ce plan comporterait l'élimination de la France du Levant et, en l'absence de tendance positive vers l'unité, la désignation du sionisme comme pôle négatif autour duquel pourrait être créée la Ligue arabe. » Donc ça, c'est le complot britannique. Les agitateurs nord-africains qui aujourd'hui recherchent au Caire l'appui de cette Ligue ont quant à eux apprécié le rôle que joue l'antisionisme comme élément de rapprochement entre tous les musulmans arabes. Ils escomptent bien la question palestinienne liquidée, user des mêmes formules et réunir les mêmes sympathies au profit d'une croisade, à l'époque on dit pas un djihad apparemment, contre les positions françaises en Afrique du Nord. Il est certain que si, sur le plan positif, les organisateurs de la Ligue arabe n'ont pas retiré tous les avantages qu'ils escomptaient, le plan a réussi dans ses parties destructives, et notamment en ce qui concerne l'élimination de l'influence française directe au Levant. Or, M. Chertok a toujours considéré que les sionistes devaient trouver dans un Liban chrétien l'allié naturel contre l'assaut du nationalisme arabe musulman. Du côté libanais, il existe dans certains milieux au moins une notion de la solidarité des intérêts libano-sionistes. Or, ajoute M. Chertok, après l'évacuation, la France conservera au Liban une position morale très importante basée sur l'élément chrétien du pays et que l'élément nationaliste arabe, de l'intérieur comme de l'extérieur, tentera de détruire afin de hâter l'assimilation du Liban dans le corps pan-arabe. La France ne peut songer à compromettre ses intérêts vitaux en Afrique du Nord en se posant même sur le terrain diplomatique en champion exclusif des chrétiens libanais. Mais elle ne peut pas non plus, selon le directeur du bureau politique de l'agence juive, abandonner les positions de prestige qu'elle a conservées au Liban et par là dans le Moyen-Orient, sans que son prestige en Afrique du Nord ne soit fortement ébranlé. La France, pense-t-il, sera donc amenée sans se laisser acculer à des interventions directes et après avoir bien convaincu l'opinion libanaise de ce que l'ère de ses interventions appartient au passé, à entrer en collision avec les forces qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, tendront à raffermir la lutte du Liban chrétien pour le maintien de ses liens traditionnels avec l'Occident. Cette coalition s'organisera autour de quatre forces principales convergeant vers un même but, celle de la France, celle de l'Église catholique, celle du mouvement sioniste et celle du noyau de résistance chrétien au Liban. Donc, vous voyez, toutes les logiques du complot, et encore une fois, si la région est complotiste, des complots sont arrivés avec les puissances coloniales, mais en même temps, on a dès 1946, avant même la création de l'État d'Israël, un projet d'alliance avec les chrétiens libanais pour lutter contre le nationalisme arabe et embrigader la France. Alors, dans cette période, les Français, en fait, bon, enregistrent la proposition, ils sont prêts à discuter avec les sionistes comme avec tout le monde, puisque à peu près la seule obsession française au Proche-Orient, c'est de faire des ennuis aux Britanniques. Donc, dans cette période, les Français vont aussi bien discuter avec l'agence juive qu'avec Haji Hamid al-Husseini en exil au Caire, puisque à chaque fois, les deux disent « on a des bonnes influences sur l'Afrique du Nord et on est prêt à faire des ennuis aux Anglais ». Alors, comme les Français ont vraiment une rancœur des événements de juin 1945 en Syrie, ils sont prêts à accepter, on le verra tout à l'heure ou dans le cours prochain, que, par exemple, les attentats anti-britanniques en Europe seront organisés à partir de Paris, sous la protection de la DST à l'époque. Alors, c'est vrai que le nouveau roi ne simplifie pas le travail des Britanniques en affirmant à ses différents interlocuteurs qu'il dispose de leur soutien dans son projet de Grande Syrie. Alors, une fois les troupes françaises ayant quitté la Syrie, la question de la Grande Syrie devient absolument vital, les gouvernements de Damas ont l'obsession de voir un coup de force de la Légion arabe sur Damas. En quelques heures, la Légion arabe peut passer la frontière et arriver à Damas. Il n'y a aucune force de résistance contre elle. Alors, les Syriens indépendants, nous aurons l'occasion de le revenir, vont dire « nous sommes pour l'unité arabe, mais à condition que ce soit une forme républicaine ». hein, puisque d'abord ça permet d'éviter que ce soit une monarchie, donc ça bloque les Hachémites, et de l'autre côté, pour les hommes politiques, une république ça donne plus d'avenir politique qu'une monarchie. On peut devenir chef de l'État, ce qu'on ne peut pas devenir dans une monarchie, puisque le poste est déjà occupé. Alors, en plus, Abdallah s'est mis à dos tout le monde parce qu'il exprime publiquement ce qu'il pense. Donc, il traite les autres responsables arabes d'imbéciles. Il traite la dynastie saoudienne de minorité fanatique qui n'a rien apporté à l'islam dans le passé comme dans le présent. Donc, évidemment, il s'est mis à dos à peu près tout le monde dans ses déclarations intempestives. Mais le problème, c'est que Abdallah joue la carte sioniste. Et ceci inquiète tous les autres acteurs arabes. Et en tout cas, au début de 1948, la Jordanie apparaît comme le seul bon élève de la classe arabe pour les Britanniques. Et Bevin accepte une révision du traité pour l'aligner sur les propositions faites à l'Égypte et à l'Irak. Donc lui, il a son Joint Defense Board, qui lui existe puisque le traité a lieu, et la présence militaire britannique est limitée en théorie à la base aérienne de Mafraq et la base aérienne de Amman, et la subvention de la Légion arabe reste à 2,5 millions de livres sterling à ce moment-là. Alors les diplomates britanniques, un peu effarés par la toquade de Bevin pour Abdallah, ont surnommé Abdallah, donc le futur Abdallah Ier en un sens, puisque maintenant on a Abdallah II, donc rétrospectivement, il est Abdallah Ier, le petit roi de M. Bevin. Il apparaît à ce moment-là comme le principal atout de la politique de Londres dans un dossier qui paraît bien plus important que les projets arabes d'union entre États. Puisque vous avez compris que, non pas que je n'ai pas tourné à tour du pot, mais que je vous ai présenté la scène politique arabe à la veille ou au début de la crise palestinienne définitive, parce qu'en général toutes les histoires de la Palestine se centrent sur la Palestine, et donc on voit pas comment l'armée égyptienne a coupé ses liens avec l'armée britannique depuis plusieurs mois, que l'armée irakienne est complètement désemparée par l'échec du traité de Portsmouth, ainsi de suite, et l'obsession arabe sur le petit roi de M. Bevin. Alors tout ça nous implique quand même qu'il faut revenir en Europe pour essayer de comprendre les circonstances qui vont faire le dossier palestinien. Et il faut revenir sur qu'est-ce que l'Europe en 1945. Et je reprendrai un titre qui me paraît un très bon titre, qui est d'un autre auteur, je ne me rappelle plus en tête. L'Europe barbare. La réouverture intempestive par Staline de la question d'Orient, prise dans le sang d'une descente russe vers les mers chaudes, avait donc impliqué les Américains sur la frontière soviétique. Dans le même temps, la Grande-Bretagne perd le contrôle de l'Inde. Une série de mutineries dans l'armée indienne dans les premiers mois de 1946 montre que la puissance coloniale n'a plus les moyens de mener une politique de répression. Désormais, l'enjeu est plus l'avenir des rapports entre musulmans et hindous que le maintien de la puissance impériale. Les heurts entre les deux populations se transforment en massacres. Philip Mountbatten, le dernier vice-roi, accélère avec l'approbation de Londres le processus d'accession à l'indépendance sur la base d'un partage. Après un vote du Parlement britannique, la date d'indépendance de l'Inde et du Pakistan est fixé au 15 août 1947. Alors évidemment, pour vous, c'est un avis de décès. C'est le décès de la route de l'Inde, puisque l'Inde cesse d'être britannique. Cette ligne mythique qui avait structuré tout l'espace du Moyen-Orient depuis la fin du XVIIIe siècle disparaît dans ce début d'après-guerre. Du coup, la nouvelle ligne qui remplace la route de l'Inde, Passage to India, c'est la ligne d'endiguement de la progression soviétique sur les routes du pétrole. La perte du joyau de l'Empire ne signifie pas l'acceptation de celle de l'Empire. On appelait l'Inde, c'était le joyau de l'Empire. Si la fédération de la Malaisie constitue le reste des possessions en Asie, L'Afrique noire semble être le lieu de concentration de ce qui reste de l'Empire britannique, avec une vocation d'entrer dans une logique de développement. Encore une fois, je rappelle que le Moyen-Orient ne fait pas partie de l'Empire britannique. C'est l'Empire par traité. Et donc, ils ne font pas partie du Commonwealth. Et le Moyen-Orient, avec la doctrine de Monroe britannique, c'est un point essentiel de ce qui reste de l'Empire et de la reconstruction économique de la Grande-Bretagne, en particulier par le biais de l'Anglo-Iranian Oil Company, qui travaille en Iran, en Irak, puisqu'elle fait partie de l'Iraq Petroleum Company, et dans le Golfe. La logique des traités a été remise en cause par la contestation que l'on a vue. Mais ce qui va porter un coup mortel à moyen terme à l'Empire par traité, c'est la némésis de la déclaration Balfour, c'est-à-dire la question palestinienne. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui le face-à-face anglo-américain. La fin de la guerre en Europe a réintroduit la question juive dans les relations internationales. C'est l'atroce découverte des camps d'extermination à faire à mesure que les armées alliées pénètrent dans l'espace. Enfin, le premier camp, c'est le Struthof en Alsace, et puis c'est les Soviétiques, ensuite en Pologne, et puis au début 45, après le passage du Rhin, les autres camps sont libérés par l'armée américaine. Alors, jusqu'ici, on avait une idée, mais c'était une idée, comment dire, qu'on n'arrivait pas à visualiser, qui était celle de l'extermination. Là, brusquement, les images atroces arrivent avec la libération des camps. Alors évidemment, la première réaction, et on a montré ça aux soldats américains, c'était de dire, voilà pourquoi vous êtes battus. C'est contre ça que vous êtes battus. Alors, si les combats se sont terminés officiellement le 8-9 mai 1945, la dévastation de l'Europe se poursuit les mois suivants, de la Baltique à la Méditerranée, à un niveau de violence peu égalé. La logique des nouveaux pouvoirs plus ou moins installés à l'ombre de l'armée rouge est d'achever la terrifiante épuration ethnique entamée par les nazis. Les expulsions de populations sous le patronage officiel des États se poursuivent avec une multitude d'atrocités. Dans ce contexte, le retour des survivants d'extermination se déroule de plus en plus mal. Dans un monde dévasté, les conflits sur les rares biens existants encore engendrent de nouvelles violences. Bien souvent, les Juifs sont assimilés au nouveau pouvoir d'obédience communiste, alors que justement ces derniers font peu de choses pour les protéger, afin de ne pas apparaître comme judéophiles, c'est-à-dire en Pologne, en Tchéquie, enfin Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc. Les rares survivants de l'extermination reviennent et voudraient reprendre leurs biens qui ont été évidemment confisqués par les voisins, y compris les choses les plus élémentaires comme les vêtements, etc. Et évidemment, les gens ne veulent pas céder, parce qu'on est dans un monde d'une terrible pauvreté, hein, en 45. Les gens crèvent de faim au sens littéral et de froid aussi du terme. Et les nouveaux pouvoirs ne veulent pas apparaître comme défenseurs des Juifs. Parce que de toute façon, le seul moyen pour arrimer les nouveaux régimes d'obédience communiste qui sont mis en place par Staline, c'est de leur donner un caractère national. Et ce caractère national, ça passe par la liquidation des minorités. C'est pour ça que toute l'Europe centrale et orientale bascule dans une barbarie absolument épouvantable à la fin de la guerre, dans le but de l'homogénéisation ethnique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une partie des minorités fuit vers l'Ouest. Bon, il y a celle qui est pseudo-organisée, c'est la fuite des Allemands de Pologne, de Tchéquie, etc., les Sudètes, etc. Bon, on les laisse se débrouiller sur place, mais vous avez des tas de gens qui fuient les Soviétiques, et puis vous avez les Juifs, ben, quand ils ont découvert qu'en Pologne, ils risquaient d'être massacrés par leurs voisins, ils refilent vers l'Ouest. Et donc va se créer en Europe un archipel qui est un archipel de camps pour ce qu'on appelle les personnes déplacées. Et si vous examinez le nom d'un certain nombre de ces camps, c'est tout simplement la reprise des camps de concentration qui sont repeuplés à ce moment-là par les personnes déplacées, tout simplement parce que l'infrastructure est là. Les Juifs d'Europe orientale en constituent une fraction notable. Alors c'est là où vous avez une fracture historique, parce qu'en Europe de l'Ouest, en particulier en France, en Belgique, en Hollande, les survivants de l'extermination, ils se sont immédiatement réintégrés dans la communauté nationale, et non sans difficulté, parce que les situations matérielles sont difficiles, les biens sont rendus aux survivants de l'extermination. Tandis qu'à l'Est, en quelque sorte, l'extermination ou l'épuration ethnique se poursuit, d'où l'arrivée des personnes déplacées vers l'Ouest. Là, vous noterez qu'il n'y a pas de camp en France. Mais par contre, il y a des personnes déplacées qui sont dans les camps italiens qui essayent de passer les Alpes pour arriver en France exactement sur les mêmes itinéraires que l'on a aujourd'hui sur les réfugiés qui essayent de passer la frontière italienne. Ce sont strictement les mêmes itinéraires en 46-47 plutôt, qui sont utilisés. Alors à l'Ouest, il n'est pas question d'insister sur la dimension juive des atrocités nazies. Ça, c'est un point essentiel. La culture de guerre dominante insiste sur la dimension héroïque des combattants et met au second plan la totalité des victimes civiles. Mais en même temps, admettre une distinction même de degré entre les victimes, selon leurs origines, apparaîtrait comme entrer dans la logique même des persécuteurs nazis. C'est-à-dire, on dit en 45-46, bon, et les Juifs, enfin, on dit en français à l'époque, les Israélites réintègrent la communauté nationale et insister sur leur part de malheur, ce serait accepter qu'ils n'appartiennent pas à la communauté nationale et de faire un sort séparé. Et donc, entrer dans la logique des bourreaux. C'est le raisonnement des autorités et de la société à ce moment-là. Alors, sur le plan psychologique, il faut bien comprendre qu'en 45-46, avec le retour des déportés, l'ampleur du crime est encore dans l'ordre de l'incompréhensible. On a les images, parce que bon, les bandes d'actualité montrent la libération des camps, etc. Mais les deux processus parallèles d'investigation scientifique et de sacralisation du génocide n'ont pas encore vraiment commencé. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les Européens de l'Ouest en 45-46 n'ont pas notre degré de connaissance des événements que nous avons, nous, aujourd'hui, après 60 ans de travail mémoriel et de sacralisation du génocide. Alors, c'est vrai que Nuremberg constitue la première recherche systématique sur l'ampleur du phénomène nazi. C'est vrai que l'équipe des procureurs ont fait un travail historique formidable à Nuremberg, mais ce n'est que la première phase de l'investigation, de la compréhension du nazisme. Alors, dans l'Europe de l'Ouest, qui vit dans un état de pénurie permanente, de rationnement alimentaire, il n'est pas question d'intégrer ces personnes déplacées venues de l'Est de l'Europe. Le rêve du plus grand nombre serait de partir vers la riche Amérique, mais l'Amérique ne veut pas d'un afflux massif de miséreux Européens, en particulier juifs. Si les soldats, les humanitaires américains gèrent les camps de personnes déplacées, Ce n'est qu'un petit nombre d'entre elles qui pourront trouver refuge sur le sol des États-Unis. Le quota annuel de 13 000 personnes concerne la totalité des pays de l'Europe centrale et orientale, alors que l'Allemagne dispose d'un quota de 26 000 personnes pour la totalité des pays, juifs et non-juifs. Au-delà même, l'opinion publique est farouchement hostile à l'arrivée d'étrangers qui concurrenceraient les Américains sur le marché du travail, accentuerait la crise du logement, faciliterait l'infiltration communiste et constituerait une menace pour le mode de vie américain. Alors, le mouvement sioniste a envoyé des émissaires prendre en charge les personnes déplacées juives, tout aussi bien par devoir de solidarité que dans une perspective politique. Elle constitue ce qui reste du grand réservoir démographique juif d'Europe orientale après l'extermination et peuvent devenir une arme majeure de propagande dans cet après-guerre. En Palestine même, le sionisme se trouve dans une impasse. Après la grande révolte de 1937-39, la bourgeoisie arabe a su profiter du dynamisme économique impulsé par les commandes de l'armée britannique pour entrer dans une logique de développement. À partir du début des années 40, la part du secteur arabe dans l'économie globale de la Palestine reste stable, de l'ordre de 45% à peu près de la production palestinienne. L'inflation des années de guerre a permis aux paysans arabes de se débarrasser du fléau séculaire de l'endettement. La montée globale du niveau de vie de la population arabe se traduit par un effort croissant dans l'investissement scolaire, domaine généralement peu encouragé par l'administration coloniale britannique. Les Britanniques n'aimaient pas créer des écoles. Ça fait des êtres aigris, disent-ils, des semi-intellectuels, enfin bon, et des êtres qui ne sont pas authentiques. Indépendamment des législations restrictives sur les transferts fonciers, il n'y a tout simplement pas de terres disponibles pour les achats du mouvement sioniste. Certains experts peuvent proposer de grandioses plans de développement fondés sur des aménagements hydrauliques, mais ils présupposent tous une expropriation des propriétaires arabes puisque l'essentiel du foncier leur appartient, ce qui est bien entendu inacceptable pour les intéressés. Plus que jamais, l'enjeu sur le terrain procède d'un jeu à somme nulle qui fait que le progrès d'une des parties se fait nécessairement au détriment de l'autre. Et la particularité des premières années 40 est que le curseur se trouve immobilisé. De toute façon, le mouvement sioniste n'a jamais abandonné son projet fondamental, la transformation de la Palestine en État juif, ce qui implique sans le dire un transfert au moins partiel de la population arabe et l'expropriation correspondante de son domaine foncier. Donc il faut bien comprendre la situation au début de l'après-guerre. Territorialement, économiquement, le sionisme est bloqué. Il n'y a plus de terres disponibles et les Arabes maintiennent leur part dans l'économie locale et le niveau de vie arabe continue de monter, ce qui fait venir d'ailleurs des immigrants arabes, de Syrie en particulier, en Palestine. Et donc il ne peut plus y avoir de progression matérielle du mouvement sioniste en Palestine même. Mais de toute façon, le mouvement sioniste, lui, il a toujours été conçu pour avoir un État. Et donc... C'est le fait d'être bloqué sur le terrain implique justement de relancer la question de l'État, surtout après l'ampleur de la catastrophe européenne. Alors, les Britanniques vivent dans la hantise d'un nouveau soulèvement arabe et doivent faire face à une révolte juive dans un contexte où la Grande-Bretagne est sortie ruinée de la guerre mondiale tout en s'attachant à vouloir rester une grande puissance, alors que sa dépendance envers les États-Unis ne fait que s'accroître. Les premières consultations du gouvernement travailliste montrent l'absence de solutions satisfaisantes, que ce soit la division de la Palestine en cantons arabo-juifs ou la création d'une fédération judéo-arabo-transjordanienne sous le patronage du roi Abdallah. Le premier cas multiplierait les frontières et le second trouverait une opposition résolue de l'ensemble des États du Proche-Orient. Or, à la fin de 1945, on se trouve à la fin des quotas d'immigration prévus par le Livre blanc de 1939. Et l'opposition des Arabes à leur maintien est totale, d'autant plus que les transferts d'autorité prévus par le Livre blanc n'ont pas eu lieu. La répression britannique a au contraire interdit l'existence d'une représentation politique arabe autonome. La guerre civile qui a accompagné la révolte a accentué le clivage entre les partisans des Nachashibis, particulièrement implantés dans la bourgeoisie littorale levantine, et ceux des USSR qui ont capté l'essentiel du sentiment national. L'exil en Allemagne nazie de Hajamin a de plus compromis cette cause du point de vue des relations internationales. L'intéressé a cherché à se réfugier en Suisse, mais les autorités de ce dernier pays l'ont livré aux Français dans le même convoi que celui qui comprenait le maréchal Pétain. J'avais demandé à Edgar Pisani, qui avait reçu le convoi du maréchal Pétain, s'il avait souvenir que le Mufti y était. Il m'a dit qu'il ne s'en rappelait pas. Parce que lui, sa mission principale, c'était de ramener le maréchal Pétain à Paris. À Paris, le cadeau a été trouvé particulièrement encombrant. Dans l'ensemble des pays du Proche-Orient, la solidarité avec la cause palestinienne s'est traduite par une hostilité croissante envers la population juive avec une multiplication d'actes d'agression. En Palestine même, l'Irgun et le Stern continuent leurs actions contre les Britanniques et leurs collaborateurs juifs. Pour Truman, le dossier palestinien comprend à la fois un volet européen, la gestion des personnes déplacées, et cette gestion elle est faite par l'armée américaine, et un volet de politique intérieure comprenant à la fois le refus de toute immigration massive aux États-Unis et la nécessité de se concilier le vote des électeurs juifs et ceux du biblisme protestant, particulièrement fort dans le sud des États-Unis, qui vote alors complètement démocrate en fonction de la ségrégation raciale. Et il faut rappeler que Truman vient du Missouri, c'est-à-dire un de ces États du Sud démocrates et ségrégationnistes. Il s'y ajoute la prégnance du mythe pionnier de la conquête de l'Ouest et la relégation des Arabes dans l'imaginaire américain quelque part entre les Amérindiens et les Mexicains, quand même plutôt du côté des Mexicains. Sauf quand il s'agit des Bédouins qui sont franchement des Indiens. Il suffit de voir dans les films hollywoodiens sur la Palestine dans cette période, dans les années 50, comment les Arabes sont présentés quasiment comme des Mexicains ou des Indiens. Dans cette après-guerre, les démocrates ne disposent plus d'une majorité électorale équivalente à celle de Roosevelt, et c'est la fin de la politique bipartisane qui avait été celle menée durant la guerre. Tout en se voulant l'héritier du président défunt, étant prêt à prodiguer de bonnes paroles aux dirigeants arabes, Truman se sent peu concerné par le Moyen-Orient. Mais le dossier arabe réunit une coalition de groupes de pression comprenant les compagnies pétrolières, les missionnaires protestants, les militaires et les diplomates du département d'État. C'est dans ce milieu qu'émerge l'essentiel des Cold Warriors. Alors si vous mettez sur Google, ils vous disent des guerriers froids. Il s'agit évidemment des combattants de la guerre froide. Les Cold Warriors, c'est ce milieu qui va diriger la politique américaine jusqu'à la guerre du Vietnam et au-delà. Donc les Cold Warriors, les hommes de la guerre froide, si vous voulez, et pas les guerriers froids. Et qui pensent essentiellement en termes stratégiques. Et donc ces stratèges considèrent qu'on ne peut pas se permettre, dans le contentement de l'Union soviétique, d'avoir une hostilité du monde arabe. Et en même temps, les ressources pétrolières deviennent indispensables pour la reconstruction économique de l'Europe. Mais face à ces pro-arabes, qui sont fondamentalement des stratèges, ils n'ont pas un amour immodéré pour les Arabes, ces Cold Warriors, ils pensent en termes stratégiques. Truman répond qu'il n'est pas possible de ne pas tenir compte de l'opinion publique américaine et du vote des électeurs. Truman le dira à une délégation de diplomates américains en disant, vous savez, les Arabes ne votent pas à New York. Alors, donc, pour les stratèges, Truman apparaît à ses interlocuteurs comme prêt à brader l'intérêt supérieur américain pour des considérations électorales. Alors, très rapidement, le président va se trouver soumis à un investissement concerté de son entourage par les milieux sionistes. Ses principaux conseillers à la Maison-Blanche sont acquis à la cause sioniste et mènent une véritable guerre personnelle contre les départements d'État. Soumis à des pressions contradictoires et devant faire face à des décisions d'immense portée, Truman va passer de tergiversation en tergiversation. Mais le moteur essentiel de son action sera le respect de ses compétences présidentielles, c'est-à-dire de la Maison-Blanche comme centre de décision. Ce qui sera invariable dans sa ligne d'action est son refus de tout envoi de troupes américaines en Palestine et son souci de favoriser l'immigration juive dans le même pays. En revanche, il ne s'est pas vraiment engagé sur la question de créer un État juif. Alors, ça va amener, évidemment, à un face-à-face entre les deux puissances anglo-saxonnes. Dans le monde, en 45-46, enfin, au moment de la guerre, toujours, les deux superpuissances occidentales, c'est les États-Unis et l'Empire britannique. On ne parle pas de l'Angleterre, c'est l'Empire. Alors, encore une fois, ils ont encore colorié une grande partie de la carte du monde, même s'ils perdent l'Inde. Et dès l'automne 45, Truman demande à Attlee d'offrir 100 000 certificats d'immigration en Palestine aux personnes déplacées juives. L'intéressé lui répond qu'il faudrait dans ce cas avoir autant ou voire plus de soldats en Palestine pour assurer l'ordre si on accepte la demande. Alors, quand vous avez un problème politique, qu'est-ce que vous faites en général? On fait une commission. Et ça permet de gagner du temps. Et les deux puissances décident de créer une commission anglo-américaine chercher d'étudier l'ensemble des dossiers des personnes déplacées. Truman accepte la commission à condition qu'on mette la Palestine au premier rang des préoccupations. En Palestine, la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1945, voit une action conjointe de l'Irgun, du Stern et de la Haganah, qui dépend de l'agence juive, contre les voies de communication du pays. L'agence désavoue officiellement les actes tout en faisant porter la responsabilité sur la politique britannique. Ben-Gourion dit de façon contradictoire que les juifs et les arabes s'entendent bien et qu'il faut sauver les juifs des persécutions arabes. Ensuite, l'agence juive concentre son action sur l'immigration clandestine, laissant à la droite sioniste les attaques directes contre les Britanniques. Alors, la commission anglo-américaine est composée de personnalités éminentes, d'orientation dite progressiste, mais n'ayant aucune expérience des affaires coloniales. Leur perspective reste celle d'un colonialisme à visage humain, fondé sur l'amélioration de la situation économique et sociale des indigènes, et non pas sur une émancipation politique immédiate. Les fonctionnaires coloniaux ayant une expérience concrète des situations sont souvent plus ouverts au nationalisme que ces progressistes ne connaissant que l'Amérique du Nord et l'Europe. Les travaux commencent au début de 1946, d'abord à Washington, puis à Londres. Ensuite, la commission visite les camps de personnes déplacées. Ils sont d'autant plus émus que, du fait de la politique soviétique, le nombre de réfugiés augmente constamment. La commission se déplace au Caire pour rencontrer des personnalités arabes qui leur expliquent que la question juive a été créée par les Occidentaux et que ce n'est pas aux Arabes d'en payer le prix. Pour eux, le sionisme n'est qu'une colonisation de peuplement et de refoulement suscitée par l'impérialisme occidental. Les commissaires ne voient rien de constructif dans ces prises de position. En mars 1946, la commission est à Jérusalem où elle entend les représentants sionistes et arabes. En avril, elle se réunit à Lausanne pour rédiger son rapport. Comme dans toute commission, les débats ont pu être âpres, mais le rapport publié le 1er mai 1946 apparaît au moins pour les commissaires comme un projet équilibré entre des exigences immédiates, 100 000 certificats, et suppression de la législation restrictive des transferts fonciers, et la vision à long terme, les Juifs et les Arabes ne doivent pas se trouver en situation de dominer l'autre partie, ce qui implique la transformation en tutelle des Nations Unies du mandat, tant que les intéressés n'arrivent pas à se mettre d'accord. Un effort considérable doit être apporté pour élever le niveau de vie arabe et toute violence doit être sévèrement réprimée. Immédiatement, le mouvement sioniste dénonce une manipulation britannique destinée à interdire la constitution d'un État juif. Il ne peut néanmoins se permettre de s'aliéner le président des États-Unis. Jouant sur la question des personnes déplacées, l'entourage de Truman obtient du président qu'il demande l'application immédiate des 100 000 certificats sans se prononcer sur le reste du rapport. Attlee répond immédiatement que dans ce cas, les États-Unis doivent prendre en charge la charge financière et militaire du maintien de l'ordre en Palestine. Bien entendu, les Américains font la sourde oreille. Ils n'ont pas de soldats. Bevin provoque un tollé en disant que l'agitation américaine s'explique par le refus d'admettre les réfugiés aux États-Unis, affirmation largement fondée mais peu diplomatique. Il ajoute aussi dans un autre discours que tout le monde fait la queue pour aller aux États-Unis et que les Juifs court-circuitent la queue pour se mettre au premier rang, ce qui le rend encore plus impopulaire et chez les Juifs et chez les Américains. Il faut jamais dire ce qu'on pense en politique. Les représentants américains au Proche-Orient accusent les Britanniques de faire porter sur eux la responsabilité du sionisme et ainsi de reprendre une partie du terrain gagné les années précédentes, grâce en particulier au dossier syrien. Il est vrai que la classe politique arabe dans son ensemble discerne l'existence d'un ancien impérialisme, qui est celui des Français et des Britanniques, et d'un nouvel impérialisme, qui est celui des Américains. Comme les Soviétiques sont encore largement absents, elle s'en tient au jeu classique d'opposer les impérialismes entre eux. En Palestine, l'opposition arabe est unanime. Dans ce contexte, Rajamin s'évade de son exil français avec, selon toute probabilité, une certaine complicité des autorités qui trouvaient sa présence plutôt embarrassante. Dans le dossier que j'ai trouvé au Quai d'Orsay, on avait oublié de mettre une garde dans la résidence surveillée du mufti. Et le dit mufti, quand il est arrivé au Caire, a envoyé un mot de remerciement au préfet de Paris. Bon, voici sa quatrième ou cinquième évasion. Il sait quand même s'évader. Il obtient l'asile politique en Égypte le 20 juin 1946 et dispose d'un soutien net des Égyptiens et des Syriens qui voient en lui le moyen de contrer les ambitions des Hachémites. Très rapidement, il prend la direction du mouvement national autour d'un haut comité arabe reconstitué, mais il lui est interdit de se rendre en Palestine. En Palestine, les organisations sionistes relancent les preuves de force en détruisant des infrastructures de communication et en capturant des militaires britanniques qui deviennent des otages. La réponse des autorités est de lancer le 29 juin 1946 une grande opération de ratissage qui permet de trouver des caches d'armes et de procéder à de nombreuses arrestations. L'agence juive est prête à suspendre ces opérations, mais demande à l'Irgun de faire sauter le quartier général des renseignements britanniques à l'hôtel King David à Jérusalem. Le but est de détruire les documents compromettants sur la collusion entre la Haganah et l'Irgun. L'opération fait 91 morts, 41 arabes, 28 britanniques, 17 juifs et 5 autres. L'enquête montrera que la volonté de tuer ne fait aucun doute dans l'attentat, puisque, entre autres, il a eu lieu au moment où il y avait le maximum de monde dans l'hôtel, alors qu'une heure après, les fonctionnaires seraient partis. Pendant ce temps, les Britanniques et les Américains ont repris leur discussion avec toujours du côté des premiers la nécessité de trouver une solution définitive et pour les seconds d'obtenir immédiatement les 100 000 certificats sans entraîner d'engagement supplémentaire pour les États-Unis. La partie américaine est dirigée par un diplomate, Henry F. Grady, tandis que les experts britanniques viennent du Colonial Office. Le coût d'installation de 100 000 personnes est pour la première fois étudié, même si les estimations divergent. Les Britanniques l'estiment le coût à plus de 1 000 livres sterling par individu. Exactement pour 100 000 personnes, les Britanniques estiment le coût de 103,9 millions à 117,9 millions de livres sterling. L'agence juive propose 53 millions de livres sterling, mais sans prendre en compte l'achat de nouvelles terres. Ces chiffres, si vous les comparez au balance sterling de l'Irak, c'est-à-dire 65 à 70 millions de livres sterling, vous montrent qu'ils sont absolument colossaux. On s'oriente vers la constitution de deux provinces autonomes, l'une arabe et l'autre juive, les Britanniques conservant l'enclave de Jérusalem et le Negev. Pourquoi le Negev? Parce que justement à l'époque, les Britanniques envisagent de déplacer la base de Suez dans le Negev pour régler la question égyptienne. Le découpage se fait en fonction de la distribution des terres entre les deux communautés, ce qui implique la constitution d'une enclave arabe à Jaffa. C'est donc plutôt un plan de cantonalisation, comme vous pouvez voir sur la carte, qu'un plan de partage. En tout cas, c'est appelé plan d'autonomie provinciale. Alors, l'accord est conclu à la fin juillet 1946 avec le vice-premier ministre britannique Herbert Morrison, d'où le nom de plan Morrison-Grady, Bevin a toujours à l'esprit l'éventuelle fusion de la province arabe avec la Transjordanie. Dans la mesure où les 100 000 certificats ne couvrent maintenant qu'une partie des 250 000 personnes déplacées juives, sans compter les autres, les deux parties s'entendent pour faire un appel à l'ensemble des États membres de l'ONU pour distribuer les autres réfugiés. Ah, c'est curieux ça, qu'on demande à des différents pays de se partager des réfugiés. En tout cas, Truman trouve ce projet acceptable et prêt à donner son accord, mais il est soumis à de très fortes pressions de la part du mouvement sioniste et des partis démocrates et républicains. Avec la proximité des élections de mi-mandat au début de novembre, Truman suspend sa décision aux grandes dames des Britanniques, qui peuvent néanmoins faire porter la responsabilité de l'absence de décision sur les Américains. Ils sont les seuls à essayer de trouver une solution. Les Américains s'en tiennent à leurs 100 000 certificats qui ne règlent rien tout en attisant les tensions. L'agence juive proclame toujours son attachement à la formule de la transformation de la Palestine en Commonwealth juif, avec égalité des droits pour tous les habitants, ce qui est évidemment un non-sens, puisque les uns auraient des droits nationaux et non les autres, et de plus, sans aucune proposition avancée sur un éventuel partage du pouvoir. C'est-à-dire, s'il y avait une véritable égalité, ce serait un État binational et pas autre chose. En réalité, la direction de l'agence juive est prête à accepter un plan de partage, mais seulement comme position ultime à la fin d'une négociation. Quant aux Arabes, toutes les formules proposées se font à leur détriment, à la fois en termes de projet national que dans le concret de la sécurité des biens et des personnes. Ne faisant aucune confiance envers les sionistes, ils ne peuvent voir dans une quelconque autorité juive que la possibilité d'une expropriation et d'un transfert une fois l'autorité britannique partie. Face aux tensions provoquées par l'immigration illégale, les autorités mandataires demandent à Londres de faire pression sur les pays de transit, en particulier la France et l'Italie. Mais les organisateurs disposent de soutien au plus haut niveau de l'État des pays concernés. Du côté français, on a une forte sympathie pour la cause sioniste et on est bien décidé à se venger des avanies essuyées en Syrie. Du côté italien, tout ce qui peut diminuer le nombre de personnes déplacées est vu avec faveur. Prenez le mécanisme, donc les gens quittent les camps de personnes déplacées en Italie, passent la frontière française pour passer ensuite dans les filières d'immigration clandestine à destination de la Palestine. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 9 janvier 2019 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui le face-à-face anglo-américain. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Les crises d'Orient »,« Questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 » chez Fayard en 2017. Et prochainement, le tome 2 de ces crises d'Orient va paraître sous le titre « La naissance du Moyen-Orient 1914-1949 ». Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Myril Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient et de l'affaiblissement de l'hégémonie britannique en compagnie d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.